petit rancard avec 32 pépés. Et je les ai tout emmenés danser. Pendant toute la nuit, je les ai invités. Et quand le jour s'est levé, elles étaient toutes épuisées. D'où reviens-tu, Billy Boy, Billy Boy? D'où reviens-tu, Billy Boy? Dis-nous, d'où reviens-tu, Billy Boy, Billy Boy? Oh, d'où reviens-tu, Billy Boy? J'ai été faire une balade avec Lise au verger. Elle voulait cueillir une pomme au pommier. Alors pour qu'elle évite de se fatiguer, j'ai cassé le pommier en deux pour le lui donner. D'où reviens-tu, Billy Boy, Billy Boy? Oh, d'où reviens-tu, Billy Boy? Dis-nous, d'où reviens-tu, Billy Boy, Billy Boy? Oh, d'où reviens-tu, Billy Boy? J'étais chez le bistrot pour boire un verre de bière. Et j'ai bu d'un coup la barrique entière. Le patron qui servait était tellement surpris qu'il me l'a offerte en me disant c'est gratuit. D'où reviens-tu, Billy Boy, Billy Boy? Oh, d'où reviens-tu, Billy Boy? Dis-nous, d'où reviens-tu, Billy Boy, Billy Boy? Oh, d'où reviens-tu, Billy Boy? J'ai monté dans une fusée qui partait pour la lune. Partait pour la lune, y cherchait fortune. Nous espérions de l'or, il n'y en avait pas. Et je n'ai pu ramener que cette chanson-là. D'où reviens-tu, Billy Boy, Billy Boy? Oh, d'où reviens-tu, Billy Boy? Dis-nous, d'où reviens-tu, Billy Boy, Billy Boy? Oh, d'où reviens-tu?